m'inviter à présenter voilà, effectivement des réflexions que j'ai évoquées en début d'année dans un article, mais l'actualité autour du droit du travail. Alors, c'est un peu bizarre parce que je vais parler là, vous allez regarder un peu là-bas, donc vous allez tourner la tête finalement pendant 25 minutes. Je voulais repartir de l'actualité, évidemment, qui s'ancre dans pas simplement les gilets jaunes aujourd'hui, mais aussi la contestation de la loi travail, qui me semble deux événements en fait qu'on pourrait mettre en regard, y compris pour contraster en fait les moyens d'action, les échecs ou réussites de ces deux mouvements, même si le second n'est pas terminé. Mais voilà, en tout cas, repartir du fait qu'on a quand même une réforme du droit du travail très importante en 2016, un projet de réforme qui génère un mouvement social assez inédit dans sa durée, dans son ampleur, dans la répression aussi auquel il a été confronté. Et puis un mouvement qui n'est pas terminé, qui est en cours sur une injustice fiscale. Donc voilà, l'idée, c'est de relier d'un côté le droit, la justice ou l'injustice, et puis évidemment la question du travail qui est centrale dans le mouvement de 2016, sans doute moins dans le mouvement d'aujourd'hui, même si les revendications d'augmentation du SMIC, de salaire ou autres sont quand même très importantes. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur une actualité dans la recherche qui s'est manifestée notamment dans des revues, dans des numéros spéciaux de revues. Je pense à la nouvelle revue du travail en 2015, qui publie un dossier spécial sur droit et travail, à Politics, dans un dossier qui s'appelle « Justice au travail ». Et puis, il y a aussi, évidemment, les ouvrages de Laurent Vimez l'année dernière, de Claude Guidry en 2016, qui vont intervenir ensuite pour réfléchir sur ces interactions entre droit et travail, ou sociologie du droit et sociologie du travail. Donc, l'idée est de vous proposer, finalement, à partir d'un ensemble de travaux, donc, qui commencent à être anciens pour certains sur la mise en œuvre des 35 heures, mais qui sont prolongés par des analyses des conflits et des négociations d'entreprise dans les années 2000-2010, sur les politiques de l'emploi, la gestion des risques professionnels, et puis aussi sur tout un travail d'importation, de découverte et de recherche, de diffusion, en fait, dans l'espace académique francophone, de la sociologie droit américaine, qui m'ont semblé intéressantes. Donc l'idée, ça a été, en m'appuyant sur cette note critique que j'ai publiée en début d'année, de réfléchir à ces influences réciproques entre droit et travail. Donc un plan en 3-4 parties où je vais essayer d'insister un peu plus sur les pistes de recherche, y compris pour vous les soumettre et que ça génère de la discussion, des idées, des critiques, évidemment. Alors sur le premier point, sur les manières dont on peut décrire comment ces interactions entre droit, justice et travail ont été saisies par la sociologie et le droit, en fait, en réalité. Trois manières possibles, hein, rapidement, de décrire ce panorama. Une première manière est ancrée dans l'histoire même du travail et du droit, en rappelant la part intrinsèquement juridique et même judiciaire du travail qui s'invente au XIXe siècle. Évidemment, le travail ne s'invente pas au XIXe, mais en tout cas, le travail que les sociologues étudient aujourd'hui est très fortement ancré dans c'est ce qui se passe au début et tout au long du XIXe siècle. Et du coup, de l'importance des prud'hommes, qui a beaucoup été étudié par Alain Cottereau, mais que Philippe Couthon aussi a étudié en insistant sur la manière dont cette dimension judiciaire avait pesé pour comprendre comment le travail s'était inventé, ce travail industriel qui va donner lieu au travail salarié, qui s'invente définitivement à la fin du siècle. Hein, je renvoie aux travaux d'Alain Cottereau en particulier. Mais on peut aussi renvoyer évidemment au contrat de travail en tant que tel, au contrat de travail individuel et collectif. Et ici, je renvoie aux travaux de Claude Guidry, de la naissance de la convention collective en 1919, dont il retrace toute la généalogie jusqu'à son ouvrage d'il y a deux ans sur l'institution du travail, où il insiste là aussi sur l'importance du contrat, cette fois individuel, critiquant et discutant avec les thèses d'Alain Cottereau. Et surtout de Robert Castel, mais aussi d'Alain Cottereau, si, pour rester dans le thème de la journée. Donc on t'entendra aussi peut-être discuter la manière dont Cottereau a étudié l'importance des prud'hommes et la manière dont le contrat de louage d'ouvrage aurait été absorbé par un contrat de travail qui aurait pu en enlever les dimensions intéressantes que tu pointes pour définir ce contrat de travail salarié comme un contrat économique. Bon, voilà, mais je te laisserai parler de ces choses-là. Réciproquement, le travail constitue aussi une dimension intéressante pour les juristes, y compris pour penser ce que c'est que le droit. Je renvoie ici à des grands juristes comme Antoine Jameau ou Alain Supiot, voilà, qui a une chaire au Collège de France et qui surtout est devenu un anthropologue du droit, qui à partir d'une réflexion sur le droit du travail et un ouvrage magistral qui s'appelle Critique du droit du travail en 1994, a ensuite analysé les transformations du droit dans son ensemble. Et donc comment des juristes travaillistes qui partent de cet objet travail d'un point de vue juridique en viennent à réfléchir plus généralement sur les fonctions du droit ou sur la définition même d'une règle de droit. Si je reprends l'article, le célèbre article de Jameau de 92, on est dans les mêmes années, vous voyez, la règle de droit comme modèle qui s'ancre dans la connaissance du contrat de travail et du droit du travail de Jameau pour proposer des réflexions beaucoup plus larges qui touchent l'ensemble de la matière juridique. Et là aussi, Laurent Vimès, qui va intervenir aussi après dans son ouvrage l'année dernière, a aussi insisté beaucoup sur cette sociologie historique du droit du travail, dans lequel le rôle des professeurs de droit, des juristes en tant que tels, est important. Alors, deuxième manière, c'est je m'appuie ici plus sur ce dossier de Politics, qui notamment a été précédé d'une introduction par Hélène Michel, qui a proposé vraiment un panorama des manières dont on pouvait regarder ces interactions entre justice et travail. Le dossier était plus centré sur justice et travail que droit et travail. Même si ça déborde la question de la justice, évidemment. Juste pour rappeler deux choses dans ce dossier et l'introduction en particulier d'Hélène Michel, elle insiste beaucoup sur finalement un champ de recherche qui se situe à l'articulation de trois domaines de la sociologie, celle de l'action collective, du syndicalisme et de la sociologie du droit, du recours au droit et à la justice. Et donc elle propose finalement, à partir d'une revue de la littérature, de montrer comment ces trois champs se sont développés un peu séparément et dans le dossier qu'elle coordonne, tentent de s'articuler, un peu comme on essaie de le faire aujourd'hui à travers cette journée. Et deuxième chose peut-être à retenir de cette introduction, c'est aussi les perspectives de recherche sur lesquelles débouche cette revue de la littérature, avec des propositions pour étudier ce qu'elle appelle l'activité de traduction en justice, et de formalisation du travail. Donc là, on voit qu'on est aussi sur vraiment la question droit et travail, et pas que justice et travail. Et puis inversement, analyser aussi ce que le droit et la justice font au travail, ce qu'ils transforment dans la définition et l'exercice des activités de travail. Et puis une troisième manière, c'est celle que je propose dans le papier dont je vous ai parlé, qui revient finalement sur ces moments de fondation, non pas en tant que tel du travail et du droit du travail, comme la première voie que j'ai évoquée, mais plutôt les moments de fondation de la sociologie du travail et du droit du travail comme discipline juridique. Et du coup, là, évoquer finalement quatre voies qui, dans cette fin du 19e et début du 20e siècle, ont constitué, ou milieu du 19e, ont constitué des manières d'analyser les interactions entre droit et société ou droit et travail. Et donc la première voie, c'est la voie marxienne qui considère le droit comme un reflet des rapports de classe, un outil de domination, en particulier dans le capital, même si voilà, les travaux de Pierre Lascoum, notamment, qui ont exhumé un peu ce texte du vol de bois, aujourd'hui célèbre, rappellent combien le premier Marx, notamment, et qui va être repris par d'autres auteurs ensuite, comme Thompson, par exemple, va insister sur l'autonomisation partielle du droit comme outil ou comme espace de lutte, et pas uniquement comme outil de domination au service de la classe dominante. Et du coup, Thompson va beaucoup plus insister, par exemple, dans la manière dont il va étudier le phénomène des enclosures en Angleterre au XVIIe siècle, sur cette dimension d'arène, d'espace, de lutte que constitue le droit, et pas uniquement comme outil au service de la classe dominante. Alors, la seconde voie est plus durkheimienne, et elle insiste sur le droit comme un symbole des formes d'intégration par le travail. Je vais aller assez vite parce que c'est des choses un peu connues, hein, notamment par tous les sociologues qui sont sans doute quand même majoritaires dans la salle. Mais voilà, rappeler quand même que dans la division du travail social de Durkheim, le droit est vraiment, a vraiment une fonction méthodologique pour Durkheim, puisque c'est par là que, en le saisissant comme un symbole, on peut étudier les transformations du travail. Et donc ces deux voies, hein, marxienne ou durkheimienne, vont avoir des postérités. la voie marxienne va être largement reprise, développée par les Critical Legal Studies, par le mouvement Law and Society dans les années 80-90. La voie durkheimienne va beaucoup irriguer la statistique judiciaire. Si on prend les travaux d'Evin Cervérin, par exemple, sur les statistiques de prud'homme, eh bien, l'idée, c'est aussi de voir comment, à travers ces statistiques et les transformations des recours au prud'homme, des motifs de prud'homme, de qui recourt au prud'homme, etc., eh bien, on peut saisir des transformations du travail et pas uniquement du droit en lui-même. Hein, donc étudier aussi le droit comme un symbole du travail. Et puis la voie weberienne, qui est sans doute la voie la plus féconde, qui a été largement oubliée pendant une grande partie du XXe siècle dans la sociologie, mais qui a fait un retour en force dans les années 80 et qui depuis est, il me semble, dominante dans les travaux, qui étudie le droit comme une activité sociale en elle-même, en voie de rationalisation et monopolisée par des professionnels. Donc une voie qui considère le droit comme une ressource pour l'action, pour la mobilisation, et qui voilà, est largement dominante et empruntée aujourd'hui par beaucoup de chercheurs pour étudier ces recours au droit et à la justice qui sont au cœur, par exemple, des deux dossiers évoqués précédemment. Et puis, il ne faut pas oublier une quatrième voie, qui est la voie des relations professionnelles, des industrial relations, qui s'invente là aussi au tournant au début du XXe siècle aux États-Unis, puis en France. Aux États-Unis, en donnant lieu à une espèce de discipline autonome en tant que telle, en France, au carrefour du droit, de la sociologie, de la gestion, de l'économie, et qui étudie centralement les règles au travail, dont les normes juridiques, même si dans les industrial relations, justement, les règles juridiques sont pas non plus forcément au centre, et on va regarder beaucoup plus la production de règles professionnelles, d'usage, de coutumes, sans forcément prendre comme objet unique et central les régulations juridiques du travail. Mais une des évolutions des relations professionnelles, l'étude des relations professionnelles en France depuis les années 90 et 2000, c'est justement d'avoir remis au centre de l'analyse cette question de la dimension juridique de ces règles du travail, ou parajuridiques ou autres, hein, avec aussi tous ces développements autour des régulations du travail, plus ou moins hard ou soft, etc. Alors, pour avancer, l'idée de ma présentation, c'était de rappeler un peu ces voies-là, d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un retour historique, mais que ce sont des voies toujours empruntées par des chercheurs aujourd'hui, et qu'on peut finalement regarder les travaux comme relevant plus ou moins de cette manière d'étudier les interactions entre droit et travail, dans une veine plutôt marxiste, ou plutôt weberienne, ou plutôt durkheimienne, ou centrée vraiment sur la question de la régulation. Mais l'idée, c'est aussi de dire que, notamment dans les années 2000, un détour par la sociologie américaine et par les États-Unis aussi comme terrain a renouvelé pour une part cette manière d'étudier les interactions entre droit et travail. Et donc ce détour américain, il se justifie en fait par des lieux communs qu'il faut en réalité largement déconstruire. Le premier lieu commun, c'est l'idée que la société américaine est une société totalement surjudiciarisée dans laquelle le moindre conflit ou le moindre problème se résout par l'appel à un avocat, par le lancement d'un procès ou autre. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de lire des sociologues du droit américain pour qui, finalement, la question, c'est plutôt le très faible recours au procès aux États-Unis, qui est la question de recherche à étudier, plutôt que celle, le lieu commun qu'on a tous en tête, notamment en France, d'une société totalement surjudiciarisée. Et puis le second lieu commun, c'est celui que cette judiciarisation, en tant que processus, comme recours accru à la justice, viendrait en France, et notamment dans les relations de travail. Il y a eu beaucoup de rapports à la fin des années 90 et au début des années 2000 qui insistaient sur une explosion du contentieux prud'homal, sur un recours de plus en plus systématique et permanent au droit, sur des décisions de justice par des juges qui empiéteraient sur le rôle des législateurs, notamment dans le domaine du travail. Et du coup, c'est à ce titre aussi empirique sur ce type de constats, qui sont largement à déconstruire, encore une fois, j'y reviendrai très vite, que le détour américain peut se justifier, hein, à la fois empiriquement, en allant voir ce que ces sociologues du droit américain nous disent de la société américaine, mais aussi pour mettre à l'épreuve cette thèse d'une judiciarisation supposée des relations de travail en France. Et puis plus généralement, dans la sociologie du droit française, il y a aussi un intérêt plus grand vers la sociologie du droit américaine qui était connue, hein, déjà d'un certain nombre de chercheurs dans les années 70 ou 80, mais qui va être beaucoup plus systématiquement étudiée, prise en compte par les chercheurs dans les années 2000. Du coup, je voudrais noter trois apports en fait de cette sociologie du droit américaine, trois manières dont elle peut renouveler ces manières d'étudier les interactions entre droit et travail. Alors une première manière, elle s'ancre dans finalement une analyse des professions. La sociologie des professions a aussi été très fortement marquée par la sociologie américaine des professions. Un des modèles professionnels étant le médecin, mais aussi l'avocat, qui est une profession juridique. Et de ce point de vue-là, les renouvellements des années 90 et 2000 aux États-Unis autour de ce qu'on appelait le cause lawyering, donc les avocats des causes, pour reprendre une ou les juristes engagés, bon, y a des débats un peu sur les traductions de cette notion de cause lawyering, eh bien, ont pu renouveler non seulement l'analyse des professions juridiques en France, avec des travaux sur les avocats engagés, sur les syndicalistes qui se spécialisent dans le domaine juridique. Là aussi, Laurent Vimez a fait des travaux importants là-dessus. Mais ce que je voudrais évoquer, c'est aussi comment cette question de l'engagement des professionnels du droit pour des causes politiques, hein, qui permettent de comprendre comment justement des avocats travaillistes vont ne faire que travailler avec des syndicats ou des salariés, comment il y a une division, un clivage très grand dans le monde, par exemple, des avocats spécialisés dans le domaine du travail. Mais on peut aussi revenir sur le phénomène des juges rouges, qu'on appelait les juges rouges dans les années 70, sur le développement aussi de toutes ces permanences et ces accueils juridiques menés par des associations, par des syndicats. Eh bien, comment tout ce renouvellement, il a aussi irrigué la sociologie du travail, plus généralement. C'est-à-dire que cette analyse de l'engagement des professionnels par les outils professionnels qu'ils maîtrisent dans des causes politiques, on peut aussi sortir du droit et voir comment des médecins, des architectes, des chercheurs, des enseignants s'engagent politiquement à partir des ressources professionnelles qu'ils maîtrisent. Et donc c'est aussi un renouvellement de la sociologie des professions qu'a permis finalement cette analyse du cause lawyering face à une sociologie des professions qui... notamment à la fin des années 2000, accumulait un peu énumérait en quelque sorte toutes les différentes professions qu'on regardait les unes après les autres, sans forcément renouveler des problématiques ultra classiques en sociologie des professions, entre sociologie fonctionnaliste et interactionniste, avec des recherches de dépassement. Et une des manières de le dépasser, ça a été de prendre en compte cette dimension politique, cette dimension d'engagement que des professionnels pouvaient adopter grâce à leurs ressources professionnelles. De ce point de vue-là, une autre voie de renouvellement peut être aussi l'approche pragmatique ou ethno-méthodologique qui, faut-il le rappeler, a été développée à partir de terrains judiciaires et juridiques. Si on prend les premiers travaux de Garfinkel, les analyses conversationnelles de Sachs, les terrains privilégiés par ces chercheurs sont largement ancrés dans le droit, la justice, les tribunaux, les commissariats, le rôle des policiers, et comment, c'est à partir de ce type de terrain que l'ethnométhodologie s'est largement développée, y compris de manière plus récente, en France, autour des analyses de Bonda-Dupré sur le jugement judiciaire en tant que tel, sur l'activité des juges, tels que Latour ou Veller ou Jean-Marc Veller, les ont étudiés, ou les huissiers, tels que David Ponty, les ont aussi analysés. Eh bien, comment finalement cette activité des professionnels du droit en France, donc irriguée par cette approche ethno-méthodologique, eh bien, là aussi, on peut finalement sans doute tracer un parallèle, alors plus hasardeux, avec les renouvellements aussi de la sociologie du travail des années 2000, qui va se centrer sur l'activité, avec notamment les travaux d'Alexandra Bidet, je pense, mais tout un tas d'autres collègues qui ont, pour une part, renouvelé la sociologie du travail en se centrant sur cette question de l'activité de travail. L'approche cognitive avait déjà été évoquée dans les années 90. Il y a un important numéro de sociologie du travail en 94 à ce sujet. Mais là, c'est l'idée de davantage ancrer dans une sociologie pragmatique plutôt qu'uniquement cognitiviste que je pointe et qui renouvelle pour une bonne part quand même la sociologie du travail comme activité productive et même aussi comme activité engagée. Les travaux d'Alexandra Bidet en 2011, c'est aussi sur ce qu'elle appelle le vrai boulot et cette question de l'engagement dans le travail. Donc là, le lien qu'on peut faire est quand même ténu, mais l'idée, c'est quand même que par l'ethnométhodologie, par le pragmatisme, on peut faire des liens aussi entre ces renouvellements dans la sociologie du droit et ces transformations et cet accent mis sur l'activité, par exemple, dans le domaine du travail, avec les travaux un peu précurseurs, me semble-t-il, de Nicolas Daudier, dans les années 90, qui, à travers l'analyse des médecins du travail, puis des ouvriers, dans son ouvrage de 95, insistait déjà sur l'importance de l'orientation normative des acteurs pour comprendre leur activité, pour comprendre leur contexte professionnel, pour comprendre le déroulement de l'activité et l'organisation du travail. Alors, deuxième apport, c'est de regarder finalement les usages du droit dans le travail, en partant des acteurs et de leur mobilisation ou de leur pratique professionnelle. Et donc là, c'est les études plus classiques, disons, qui sont finalement assez nombreuses dans l'espace français. Alors plus ou moins, mais les inspecteurs du travail sont quand même assez souvent étudiés et en regardant la part juridique de leur activité. Mais on a aussi étudié les avocats, les juristes d'entreprise, les juges, les experts, les syndicalistes évidemment ou les DRH. Et plus largement, comment tout un tas de mouvements sociaux se sont saisis du droit dans le domaine du syndicalisme, dans le domaine agricole, par exemple, dans le domaine des indépendants, pas uniquement des salariés ou des jeunes, pour parler de travaux récents. Voilà, donc là, là, je parle plutôt pas de renouvellement, mais d'une tradition d'études assez importante en France autour de cette manière d'étudier les usages du droit dans le travail. Et donc le renouvellement, il vient plutôt des Legal Consciousness Studies et de cette manière de regarder comment la manière dont on construit ce qui est du droit en situation de travail, que ça soit du droit positif ou pas, mais ça s'appuie sur ce que les gens considèrent comme du droit, eh bien, permet de renouveler l'étude notamment de ces grievance procedures aux États-Unis, donc tous ces procédures de recours pour faire grief, pour se plaindre. Donc j'aligne ici tout un tas de noms, hein, ça renvoie évidemment à des études derrière, qui se sont multipliées dans les années 90 et surtout 2000 aux États-Unis, et qui ont été utilisées, importées en France pour étudier notamment les transformations des règles du temps de travail, mais aussi des activités de travail ou des formes de socialisation qui sont autant professionnelles que juridiques. Je pense ici à la thèse de Camille Trémaux qui parlera cet après-midi. Donc deuxième mode de renouvellement, c'est par une extension de cet objet droit vers la notion de légalité qui permet finalement d'inclure bien davantage comment les acteurs se représentent le droit et agissent par rapport à ces conceptions du droit, ces rapports au droit qui contribuent à légaliser des situations, produire des sentiments d'injustice et animer éventuellement des formes de mobilisation qui vont ou non passer par le droit et la justice. Et puis troisième renouvellement, il passe cette fois par le courant qui s'intéresse aux relations entre droit et organisation, et notamment donc ces recherches qui ont été menées beaucoup sur le domaine de la discrimination aux États-Unis, et notamment la discrimination dans l'emploi, et qui ont montré comment les organisations étaient loin d'être passives à l'égard de lois ou de régulations qui s'appliquaient, descendaient en quelque sorte sur elles, mais que, à la fois via des activités de lobbying, qui sont traditionnellement étudiées par les politistes, mais aussi et surtout à travers la manière dont elles interprètent ces règles, dont elles définissent ce que signifie que se mettre en conformité avec une nouvelle loi, avec de nouvelles règles juridiques, eh bien, elles transforment le droit, elles configurent le droit qui est censé les réguler, et que par là, ce processus d'endogénisation du droit, eh bien, leur permettait aussi de s'en tirer à bon compte, de transformer des règles censées modifier leur comportement dans des règles qu'elles vont mettre à leur avantage, qu'elles vont mettre à l'avantage des managers et des intérêts managériaux qu'elles défendent. Hein, donc à la fois contribuer à les légaliser, parce qu'elles vont se conformer au droit, mais en même temps, cette légalisation va aussi se traduire par des formes de managérialisation du droit, de mise au service du droit, mise au service des intérêts du management, des règles juridiques qu'elles sont censées appliquer. Et donc, voilà, il y a tout un tas de travaux qui ont utilisé ce cadre théorique, notamment dans le domaine, là aussi, du temps de travail, mais aussi de la sécurité au travail, ou évidemment, la question de la diversité ou de la discrimination. Et puis, deuxième renouvellement dans cette même veine, c'est les travaux de Galanter, hein, qui, plus centré sur le recours à la justice, va distinguer ce qu'il appelle des repeat players et des one-shotters pour opposer finalement et comprendre des formes d'inégalité devant les tribunaux entre des acteurs qui ont l'habitude d'aller devant le tribunal, qui développent des stratégies judiciaires grâce à cette routinisation de l'accès au tribunal ou de l'assignation au tribunal d'ailleurs. Les DRH sont plutôt en général assignés au tribunal qu'ils n'y vont, mais ils développent une forme d'expertise et d'expérience grâce à la répétition qui leur permet de, là aussi, obtenir des décisions qui, sinon, leur sont moins défavorables, en tout cas, leur permettent de continuer à développer leurs propres intérêts, hein, à l'inverse d'acteurs qui sont des one-shotters, qui n'y vont qu'une fois, comme un licencié économique ou un licencié pour faute, par exemple, qui joue sa vie en quelque sorte sur l'affaire, ou en tout cas a des intérêts très importants en jeu, et qui donc va agir différemment dans la manière dont il va se saisir de l'avocat. Et donc là, un des, un des dérivés les plus intéressants, me semble-t-il, de cet article fameux qui date du milieu des années 70. C'est là aussi les travaux de Laurine Edelman et Mark Suchman, qui, dans un papier vraiment intéressant en 1999, essaient de tirer le fil de cette manière d'étudier comment les organisations se rapportent au tribunal, pour finalement tirer une métaphore sur la manière dont les organisations se comporteraient simultanément comme des juges, en internalisant par exemple les procédures, les grievance procedures, donc les procédures de traitement des griefs et des conflits, en les internalisant, eh bien les organisations se transforment elles-mêmes en juges, même si elles sont juges des parties. Et puis elles se transforment aussi, elles développent aussi des activités de défense, comme les avocats, de enforcement, hein, de policiers qui sont en charge de la mise en œuvre des règles. Et donc voilà, il y a une métaphore qui est tirée ici dans la manière dont les organisations se conçoivent elles-mêmes comme des professionnels du droit, avec les différentes identités qu'on peut leur assigner, hein, juge, avocat, inspecteur, policier, qui est tout à fait intéressante. Alors, du coup, cette triple circulation, elle ouvre des pistes qui sont déjà en partie empruntées et renouvelées. Et là-dessus, on ne peut que se féliciter des travaux de jeunes chercheurs voilà, qui sinon se multiplient, en tout cas sont menés aujourd'hui avec des détours disciplinaires vers le droit, la science politique, l'économie éventuellement. À partir, je vous rappelais juste, d'enquêtes et de méthodes variées. Hein, c'est pour ça aussi que la question de la discipline et de l'interdisciplinarité du dialogue avec les juristes est aussi cruciale et en même temps toujours... pas si évidente en France, en tout cas beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais en tout cas analyser des documents, notamment juridiques, en complément d'enquêtes qui passent par des approches qualitatives ou aussi quantitatives. Et là, j'insiste, voilà, sur cette fameuse enquête réponse. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est complètement sous-exploitée et qui est hyper riche pour étudier les relations de travail, qui est une enquête de la DARES, du ministère du Travail. Il y a vraiment de quoi alimenter ces renouvellements. Donc trois pistes pour terminer. D'abord, l'idée d'étudier sociologiquement le droit du travail en tant que tel. Hein, un droit du travail qui est évidemment en plein bouleversement avec ses lois travail, ses ordonnances Macron, même si ces dernières s'ancrent dans une histoire qui a été pour une part retracée, mais insister sur finalement un processus un peu dialectique dans cette histoire qui permet d'aboutir à ce constat selon lequel il y aurait eu des formes de surréglementation dans le droit du travail, hein, avec toutes ces dénonciations d'un droit ultra complexe, labyrinthique, obèse, etc. Bon, qui n'est pas finalement forcément plus que d'autres codes, comme on l'a bien montré, mais qui malgré tout reste extrêmement complexe, de fait. Et du coup, une forme de surréglementation et de formalisation qui, me semble-t-il, a non seulement s'est accompagnée, mais a été le vecteur de formes de dérégulation du travail, dont le temps de travail, par exemple, a été un laboratoire vraiment important. Donc, marquez juste cette espèce de paradoxe entre une surréglementation qui est un vecteur de dérégulation. Donc, essayez de mettre à l'épreuve aussi cette piste. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que cette idée-là qui a pu être montrée dans certains domaines du droit du travail est vraie dans d'autres? On a toujours ce type de processus à l'œuvre ou pas? Deuxième chose, c'est évidemment de comprendre comment ces transformations du droit du travail en tant que tel symbolisent, révèlent, dans une veine marxienne ou durkheimienne, finalement, des modes d'exploitation renouvelés, des rapports de domination toujours présents ou transformés ou en recul, et éventuellement des capacités d'intégration aussi et de fabrique des solidarités par le travail dans une veine plus durkheimienne. Donc, cette transformation du droit du travail, je vais passer très vite ici puisque Claude et Laurent vont, et surtout Laurent peut-être va l'aborder pour retracer un peu les transformations depuis les années 80, mais insister peut-être sur le fait que la centralité du droit du travail est peut-être à interroger pour étudier les manières dont aujourd'hui se régule le travail. Il est de plus en plus concurrencé sans doute par d'autres types de droits, que ce soit des droits économiques, des droits de la concurrence, des droits du commerce, la liberté d'entreprendre qui est devenue un principe très important, sinon supérieur à celle de la protection de la partie faible au contrat qui fonde le droit du travail, mais aussi les droits humains qui d'une autre manière percutent le droit du travail. Donc je pense qu'il faut aussi se demander si le droit du travail finalement reste l'objet si central pour étudier ces régulations du travail. Tout ce qui concerne les débats autour de l'ubérisation, la digitalisation, etc., sont en plein dans cette thématique. Et puis pour terminer sur cette voie, vous voyez, je cite beaucoup mes deux chercheurs qui vont me suivre, mais repartir de cette question du travail juridique, tel que Claude Didry l'avait défini, hein, qui est un travail à la fois de qualification des situations et d'interprétation des règles, et qui est aussi un travail d'invention, de mise à l'épreuve, d'apprentissage, qui est un travail cognitif qui articule des savoirs et des expertises, mais qui reste toujours réalisé dans le cadre de rapports de force ou de rapports de pouvoir. Et donc se demander aussi quand même, prioritairement, qui est derrière, qui porte ces réformes du droit du travail, au profit de qui elles vont être menées ou elles vont aboutir. Parce qu'il y a toujours un écart, évidemment, entre ce qu'on imagine et ce qui se passe. Et puis, évidemment, et surtout, comment ces réformes du droit du travail se mènent, comment elles sont produites, mais aussi utilisées par les acteurs dans les entreprises. Donc là, il y a des chantiers qui viennent de s'ouvrir, quoi, avec toutes ces transformations de la loi travail ou des ordonnances Macron. Alors, deuxième piste, c'est d'étudier sociologiquement plutôt le droit dans le travail plutôt que le droit du travail, avec l'idée ici qu'il y aurait une hypothèse qui serait non pas un processus de judiciarisation des relations de travail. Là-dessus, la baisse du nombre de prud'hommes est flagrante depuis 25 ans déjà, mais elle s'accélère énormément depuis un an et demi. Donc, il n'y a pas de processus de judiciarisation des relations de travail. Il faut vraiment s'élever en faux face à cette idée-là. Et dès le début des années 2000, les rapports qui le pointaient s'appuyaient largement sur des sources problématiques. Par contre, mettre à l'épreuve l'idée qu'il y aurait une juridicisation des relations de travail, une formalisation de plus en plus grande, une référence quotidienne de plus en plus fréquente au droit dans les relations de travail. Et donc mettre à l'épreuve finalement cette hypothèse pour étudier aussi bien les activités de travail elles-mêmes, qui seraient de plus en plus cadrées par le droit. Et finalement, quand on y réfléchit, aussi bien la caissière que le plombier, le vendeur, l'ouvrier de maintenance ou le manager voient une bonne partie de leur activité cadrée par le droit, par un ticket de caisse, par des normes à respecter, par des bons de commande, par des responsabilités qui sont engagées lorsqu'on répare un outil qui, en cas de défaillance, peut provoquer des blessures ou des dommages, par le fait de gérer une main-d'œuvre. Eh bien, finalement, regarder tout un tas d'activités de travail quotidiennes, pas du tout reliées au droit, mais en même temps, regarder comment ces activités seraient cadrées de plus en plus ou pas par le droit. Moi, j'en fais l'hypothèse, mais il faudrait la vérifier à l'aune, évidemment, d'études empiriques. Des rapports sociaux aussi qui seraient de plus en plus cadrés par le droit, avec voilà, le fait de se définir ou d'entrer en relation, de se coordonner ou de s'affronter dans ce rapport social qu'elle travaille, en passant de plus en plus par le droit. Et puis, finalement, voilà, insister sur cette dimension aussi contractuelle ou contractualisée du travail, qui constitue, me semble-t-il, une entrée heuristique pour étudier, encore une fois, ces manières dont interagissent droit et travail. Et puis, troisième voie, c'est de regarder finalement les frontières entre droit et travail, d'étudier finalement des dispositifs, des catégories ou des acteurs, des intermédiaires à l'interface entre droit et travail. Hein, donc, dans le prolongement d'un travail qu'on avait mené avec Christian Bessy et Thierry Delpeuch il y a quelques années, ce serait étudier finalement des dispositifs et des catégories hybrides. En regarder à la fois, en retracer la généalogie, mais surtout en regarder les usages, les transformations, les mises à l'épreuve en situation par les acteurs, dans le cadre de procès ou non, dans le cadre de relations de travail. Donc étudier comment la faute professionnelle, la notion de risque psychosociaux, la reconnaissance d'inaptitude au travail, l'arbre des causes qu'on utilise en santé sécurité au travail, les logiciels de gestion intégrée, tous ces dispositifs finalement intègrent des dimensions juridiques hybrides entre économie, travail et droit, dont il faudrait regarder la dimension proprement juridique, performative ou non, des transformations du travail. Et puis, dernier point, ce serait de prendre en compte le fait que ces dispositifs et ces catégories sont utilisés par des acteurs, qu'elles sont mobilisées par des acteurs, et donc regarder plus précisément ces acteurs situés à l'interface du droit et du travail, hein, qui ne sont pas des professionnels du droit, dont j'ai souligné qu'il y avait tout un tas d'études, même s'il faut continuer à les étudier, les juges prud'homaux, les avocats spécialisés dans le domaine du travail, les inspecteurs, les conseillers du salarié, les greffiers, voilà, tout un tas d'acteurs du droit qui sont sans trop, évidemment, mais l'idée est plutôt ici d'ouvrir vers des non-professionnels du droit qui manipulent au quotidien le droit, qui cadrent ces formes de légalité, qui qualifient, interprètent, cadrent encore une fois les légalités ordinaires, qu'on parle d'ingénieurs sécurité, d'assureurs, de conseillers emploi, de médecins du travail, de psychologues du travail, et de les regarder comment finalement ces acteurs contribuent pour une large part à produire ces manières dont interagissent droit et travail dans le quotidien du travail. Donc pour terminer, je voulais juste signaler deux ouvrages voilà, qui encadrent moi vraiment la manière dont j'essaie d'étudier ces questions. Deux ouvrages américains, donc Rights at Work de Michael McCann et Working Law de Lauren Edelman plus récemment, en pointant comment derrière ces deux ouvrages, hein, l'un centré sur les mobilisations judiciaires dans les luttes pour l'égalité salariale entre hommes et femmes aux États-Unis, et l'autre centré sur la manière dont les entreprises ont internalisé les questions de discrimination et ont managérialisé finalement le droit en la matière, ben finalement derrière ces deux ouvrages, est-ce qu'il n'y a pas un mythe un peu toujours déçu, mais toujours actif et toujours fécond, du droit comme ressource, cadre de l'action, qu'il faut aussi interroger en tant que sociologue du droit, où on a tendance à soit mettre du droit partout, soit privilégier cette question du droit, mais toujours se rappeler qu'il n'est qu'une des dimensions qui cadre les formes de normativité au travail, même si je pense que la question de comment faire pour making rights real reste cruciale pour étudier ces questions de droit et de travail. Merci. J'espère pas avoir été trop long. À la revue française de sociologie, et s'il y a parmi vous des gens de la vraie vie qui n'ont donc pas d'abonnement à CARN, vous pouvez demander une version de cet article à Jérôme ou aux organisateurs. Si vous voulez avoir une version rédigée, tout ça. Mais néanmoins, si vous avez d'ores et déjà des questions, qu'elles soient de clarification, d'approfondissement et tout, même si on va revenir sur un peu tous ces thèmes-là dans la journée, n'hésitez pas, comme on a démarré avec un quart d'heure de retard, je pense qu'on peut le conserver. Au fil de la journée, sans problème. J'ai une remarque à faire au sujet de l'approche marxienne du droit. Pour signaler la publication d'un volume de la revue Droit et philosophie, qui est la revue de l'Institut Michel Villet, donc c'est improbable, qui a été dirigé par Jérôme Couillereau, Elodie Georgievitch, Mélanie Plouvier et Sabina Tortola, sur Marx et le droit, et donc qui est amené à développer, disons, une approche de la place du droit dans les œuvres de Marx qui sortent sensiblement, disons, d'une vulgate post-stalinienne, voire trotskiste. Qui est celle que j'ai développée ou... Oui. Ok. Mais non, mais c'est-à-dire, tu l'as cité, je veux dire, c'est une vision du marxisme qui a été très influente, et qui a quelquefois abouti à de très grandes réussites historiques, mais disons que c'est comme tout, cette vision de Marx un peu embaumée, c'est différent d'une vision du Marx qu'on va lire dans le texte. Un peu comme... Ouais, j'ai essayé de signaler justement comment Lascoum notamment avait... Chez le jeune Marx, mais... voilà, mais si s'il y a des choses sur chez le vieux Marx aussi, ouais, c'est ce okay. que montrent les Très bien. Oui, j'en profite pour signaler que sur la page internet où il y avait le programme, on va mettre les enregistrements des sessions, aussi pour les intervenants et intervenantes qui voudront bien, on peut mettre les textes s'ils ont été rédigés ou les PowerPoint, tout ça, mais en tout cas on fait des enregistrements audio, et sur votre dialogue me fait penser qu'on essaiera peut-être de mettre une petite bibliographie comme ça, avec les différents numéros spéciaux de revues qui ont été cités, pas toutes les références que cite Jérôme, mais... quelques choses récentes, un livre de Claude Edehan et ainsi de suite. Quoi. Très bonne idée. Non, mais les numéros de la NRT, de droit et philosophie. Questions, remarques C'est peut-être une question que ça fait longtemps que je voulais te poser, mais je comprends mieux pourquoi je... Qui est la question de la comparaison avec les États-Unis. Parce qu'effectivement, tu as beaucoup... depuis longtemps, essayer d'importer, et c'était vraiment très intéressant, ces logiques de managérialisation, d'endogénéisation, etc. Mais est-ce que, mais c'est toujours, c'est un problème qu'on a toujours, quoi. Est-ce que c'est pas, est-ce que finalement je sais pas comment dire, les cultures juridiques ou les rapports au droit, à l'État, sont tellement différents, enfin, c'est-à-dire que jusqu'à quel point c'est vraiment une question. cette comparaison, elle n'est pas rendue difficile par le fait, par exemple, par l'absence de logique d'État, ou par le fait que les normes juridiques ne viennent pas du même endroit, et que par conséquent, par exemple, le caractère constitutif de la justice, il est plus facile, peut-être, j'en sais rien, à mettre en valeur dans l'exemple américain, états-unien, que dans l'exemple français. Enfin voilà, ce serait une question un peu sur ça que... C'est une question un peu trop générale, mais voilà. Non, mais on la pose régulièrement, et je pense qu'il faut qu'on continue à en discuter beaucoup, parce que on la rencontre sur le terrain, lorsqu'on va faire un peu de terrain aussi aux États-Unis, ce qui m'est arrivé, même si c'était pas tant dans les questions de syndicalisme ou autre, par exemple, mais justement, dès qu'on essaye dans le domaine des relations professionnelles, c'est extrêmement difficile, en fait, de pouvoir comparer vraiment terme à terme ce que c'est qu'un syndicaliste français et un syndicaliste américain, parce que le cadre institutionnel est tellement différent que c'est... Alors, en même temps, moi, les travaux, en tout cas, donc ceux de Laurine Edelman ou de Suzanne Silbet sur les legal consciousness, moi, j'ai trouvé que les concepts qu'ils proposaient, certes, sont ancrés pour une part dans cette culture juridique et ce rapport à l'État, cette conception de ce que c'est que le droit, mais pas d'une manière telle que ça empêchait de s'en saisir pour comprendre, dans le cas français, des trucs qui sont totalement impossibles à imaginer pour un Américain, comme les 35 heures. Donc c'est une première manière de répondre, c'est que les concepts eux-mêmes de légalisation, de managérialisation, legal consciousness, etc., moi, je les comprends d'une manière, à un niveau de généralité tel que je peux m'en saisir. Alors sans doute que j'en fais autre chose, et que, en fait, nous, ce qu'on entend en France par ces concepts-là sont pas forcément fidèles exactement à ce que ces auteurs entendent. En même temps, ça n'empêche pas de discuter avec eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous lire et nous comprendre, enfin, si jamais on réussit à écrire en anglais, parce qu'évidemment, c'est des chercheurs qui parlent pas qui disent pas le français. Mais je commence à essayer de le faire, autour notamment cette notion d'intermédiaire du droit, que je reprends pour une part d'Edelman, mais que je développe un peu autrement. Et les discussions que j'ai pu avoir avec elle font que ça va, quoi, on se cause, on se comprend. Une deuxième manière de répondre, c'est de dire aussi, et là, c'est les enquêtes aussi que j'ai pu faire, c'est que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça non plus, lorsque notamment on se situe au niveau des États plutôt qu'au niveau fédéral. Alors, j'étais en Californie, donc c'est un État un peu spécial, on n'est pas au Kansas ou autre, mais c'est un État dans lequel l'État de Californie, l'administration publique, etc., a vraiment un poids, et de fait, il y a beaucoup de ressemblances. Enfin, j'étais frappé par beaucoup plus de ressemblances que de différences. Il en reste évidemment beaucoup, mais dans la manière dont cet État produit du droit, c'est pas que les juges, il y a aussi des législations importantes, un parlement, enfin voilà, des régulations protectrices dans le domaine du travail, en tout cas je parle, hein, ou de la santé au travail, qui était l'objet de mes enquêtes. Donc une deuxième réponse, c'est ça, c'est de dire que quand on regarde précisément, il y a aussi des lois, et pas que des décisions jurisprudentielles qui font le droit au niveau des États. Si on regarde au niveau fédéral, là, effectivement, pour le coup, l'État est beaucoup plus en recul qu'en France, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, évidemment. Et ce n'est pas que lié à la dimension fédérale. C'est aussi lié à une conception de ce que c'est que l'État ou autre. Mais voilà, enfin, je répondrai comme ça. Mais c'est évidemment toujours à l'épreuve. Et, voilà. Mais il faudrait aussi poser la question à d'autres qui ont fait des comparaisons. Laure Bérény a récemment soutenu une HDR où elle comparait aussi, justement, les agents en charge des questions de diversité dans les entreprises françaises et américaines. Voilà, je n'ai pas pu assister à la soutenance, mais j'en ai discuté aussi un peu avec elle. Elle n'a pas été reprise là-dessus, on n'est pas venu la chercher sur cette question de la comparaison qui était pertinente ou pas, alors que le droit n'est pas le même, etc. Donc, alors qu'elle avait une Américaine dans son jury, donc elle pensait que ça... Voilà. Mais la question se pose toujours quand même, et sur chacun des terrains sans doute. Je trouvais tout à fait intéressant ce que vous disiez sur mettre à l'épreuve l'idée que le droit cadre de plus en plus les activités de travail. Et en fait, je disais que ces activités de travail, on peut les définir par le fait qu'elles sont caractérisées par du non-marchand. Elles constituent des espaces non-marchands. Et peut-être que, justement, le fait qu'elle soit de plus en plus cadrée par le droit fait que ce cadrage est un support pour que la relation marchande arrive dans l'intimité de ses activités de travail, quoi. Donc derrière le droit, il y a aussi cette question de la relation marchande. Enfin, je sais pas, dans les années 80, bon, on parlait au sein de l'entreprise de relations clients entre différents services d'entreprise, alors même que voilà, c'était du pseudo-marchand. Mais finalement, là, ça, c'est, peut-être que c'est des outils beaucoup plus forts pour voilà, restructurer. Donc derrière le droit, il y a aussi ce marchand. Alors, ouais, enfin, on peut aller dans votre sens, notamment par le fait qu'en remarquant que le marché en fait existe par l'existence de contrats, en fait, pour une bonne part. Enfin, et que le contrat, c'est un instrument juridique, et du coup, derrière le contrat, en fait, on ferait advenir le marché. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même une place toujours très grande du secteur public en France en particulier, dans lequel voilà, on a des formes d'encadrement par le droit, qui est le droit administratif plutôt, mais qui du coup n'importe pas forcément cette question du contrat avec lequel irait le marché. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais je réagis comme ça pour dire juste que voilà, ce que c'est qu'un fonctionnaire, c'est quand même pas la même chose qu'un salarié, quoi, vraiment. Et juridiquement, et même l'activité qu'il mène, elle est pas, elle peut l'être, ou peut-être de plus en plus, je sais pas, faudra le regarder, mais elle est pas non plus uniquement forcément cadrée par du droit au sens où il emporterait le marché avec lui, quoi. Voilà. Mais je pensais pas à l'administration, au fonctionnaire. Moi, je pensais aux entreprises, mais au sein des entreprises, pour qu'il y ait du marchand, il faut aussi, ça fonctionne sur du non-marchand. Et c'est ce non-marchand qui, il me semble, parce que vous nous énoncez là, effectivement percuté et reconfiguré. Alors, je parle vraiment de secteur marchand. Pas de... Ouais, alors après, si on prend les réflexions de Supio, voilà, qui cherche à, enfin, qui implicitement ou explicitement d'ailleurs oppose quand même pour une bonne part la logique du droit et la logique du marché. C'est intéressant, ça percute cette idée-là, quoi. C'est que le marché pourrait se développer aussi par l'entremise du droit, notamment du contrat. Enfin, même s'il ne faut pas réduire le droit au contrat. Ouais, c'est une piste intéressante. On peut évoquer également le droit commercial, mais ça, à tout hasard. Développe. Disons que c'est vrai que le droit commercial, mais je vais en parler tout à l'heure, donc c'est quand même un droit qui est assez fondamental, qui se développe depuis très longtemps et qui a été très bien étudié par Madame Lemercier ici présente, donc et qui est un cadrage des interactions de marché qui est assez fort, donc qui peut-être se retrouve dans ce que vous dites là. Présentement. Il faudra peut-être poser la question à Claire tout à l'heure. Parce que c'est un des éléments de tes propres travaux et qui va revenir peut-être moins dans les autres interventions. Revenir un peu sur cette affaire judiciarisation, juridicisation et leurs indices, en fait, parce que tu l'as évoqué, mais en ne passant pas plus de temps sur les choses que tu avais fait toi que celles qu'avaient fait les petits camarades. Mais je pense que c'est vraiment pertinent par rapport au thème de la journée, quoi. Comment on peut attester qu'il n'y a pas vraiment de judiciarisation en France, ça tu l'as un peu plus dit, et peut-être par des exemples justement sur les formes de cette juridicisation, parce qu'il prolonge aussi l'échange qu'on vient juste d'avoir. Comment l'étudier empiriquement? Quels seraient des indices de juridicisation? Qu'est-ce que c'est du coup l'avant de la juridicisation? Qu'est-ce qu'il y a quand il y a moins de droits dans l'activité de travail? Ouais, bah, enfin, ce que j'avais essayé de faire surtout, c'était de distinguer ces deux notions qui sont, en donnant des définitions un peu simples qui permettaient de d'y voir clair un peu, parce que la notion de judiciarisation, elle est très chargée en plus. Donc voilà, moi je proposais de définir la judiciarisation comme le recours accru au tribunal, le fait qu'on se tournerait de plus en plus fréquemment vers le juge, vers le tribunal, ou des procédures contentieuses institutionnalisées type tribunal, enfin même si voilà, les prud'hommes, il y a la conciliation avant, mais bon voilà. Et du coup, on sortait du coup un peu de beaucoup de questionnements sur la place des juges par rapport aux politiques, qui est l'autre manière dont on a beaucoup étudié cette question de la judiciarisation, qui est très pertinente et qui a donné lieu à beaucoup de travaux, mais qui est autre chose, qui est une autre question que l'idée qu'on recourrait de plus en plus aux juges. C'est l'idée que le juge ne serait pas forcément de plus en plus saisi, mais en tout cas que son pouvoir d'action, que le poids de ses décisions, que voilà, le territoire de son intervention s'élargirait, et que avec l'idée du gouvernement des juges derrière, voilà, parce que la notion de judiciarisation, elle a été largement poussée par les hommes politiques, en fait, plus ou moins mise en cause au début des années 90 dans différents scandales. Du coup, voilà, le premier truc que je voulais faire, c'était vraiment dire, c'est pas parce qu'on recourt plus au tribunal ou moins au tribunal qu'on recourt plus ou moins au droit. Et donc distinguer vraiment le fait qu'on s'appuie davantage sur le droit dans nos interactions quotidiennes, ça c'est l'idée de juridicisation, versus on recourrait de plus en plus aux juges. Et on peut très bien imaginer qu'il y a une juridicisation et une déjudiciarisation. Enfin, il me semble qu'on est même actuellement dans ce processus-là. Mais on peut imaginer l'inverse. Et notamment en étudiant un peu le travail d'experts judiciaires, qui typiquement sont des acteurs nommés par les juges pour les éclairer sur des faits techniques grâce au savoir technique ou scientifique qu'ils maîtrisent. On peut imaginer que si on recourt de plus en plus à des experts judiciaires, et que leur savoir est de plus en plus pris en compte pour décider judiciairement des décisions, on peut imaginer qu'il y a une forme de déjudiciarisation, de déjuridicisation, pardon. Moi-même je me plante, de déjuridicisation, y compris au cœur du processus de judiciarisation. Hein, on recourt de plus en plus aux juges qui eux-mêmes recourent de plus en plus à des savoirs non juridiques. Voilà, donc on peut imaginer des choses comme ça, et d'ailleurs il y a des exemples d'articulation entre ces deux processus qui vont pas du tout de pair, ou qui peuvent s'inverser ou autre. Donc évidemment ils sont liés, ces deux processus, c'est-à-dire que pour qu'il y ait judiciarisation, qu'il y ait recours de plus en plus accru à la justice, il faut qu'il y ait un cadrage par le droit, quoi, parce que c'est à partir de là qu'on peut saisir un juge quand même. Mais il n'y a pas forcément plus de recours au droit pour initier ou irriguer ce processus de judiciarisation. Donc c'est d'abord ça que je proposais, de distinguer vraiment ces deux processus, même si les mots sont compliqués, proches, mais en même temps ils sont quand même distincts. Judiciarisation c'est judiciaire, juridicisation c'est juridique, donc ça permet quand même de bien séparer les choses. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut travailler sur la déjudiciarisation actuelle des relations de travail, très forte, qui concerne aussi par exemple les États-Unis actuellement, y compris dans le domaine de la discrimination, qui a été la manière dont le droit du travail finalement a cadré la manière, enfin la discrimination c'est la voie par laquelle on essaie de résoudre des conflits qui portent pas forcément sur la question de discrimination aux États-Unis, parce que c'est le seul truc qui a marché ou pour lequel disons il y a une législation assez claire sur le fait qu'on peut pas discriminer. Mais les travaux récents de Nora Beth Nielsen et Robert Nielsen, par exemple, montrent, ça s'appelle Rights on Trial ou un truc comme ça, sur les questions de discrimination en tant que telles. Ils montrent que, d'abord, le nombre de procès diminue énormément aux États-Unis, depuis plusieurs années, dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine du travail, et que dans le domaine des discriminations elles-mêmes, il est de plus en plus difficile d'aller au bout, et lorsqu'on va au bout, même, de gagner. Donc c'est vraiment... ce bouquin montre... un recul très fort de ce processus de judiciarisation ou cet appel à la justice, y compris dans la société dans laquelle il serait le plus fréquent et naturel. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis il me semble qu'il faut aussi travailler sur la juridicisation, c'est-à-dire l'idée qu'on recourrait de plus en plus au droit. Donc ce qui va de pair avec l'idée que le travail se formaliserait, se procéduraliserait, se normaliserait, qu'on serait de plus en plus... là-dessus, il y a plein d'indices qui me semblent aller dans ce sens-là lorsqu'on étudie le développement des normes qualité ou techniques dans le domaine du travail, qui ne sont pas du droit, mais qui normalisent en fait les activités de travail, qui ouvrent des formes de responsabilisation vis-à-vis des salariés, qui engagent finalement des logiques qui sont proches de celles du droit, même si on est dans de la soft law, dans des guides de bonne pratique, dans des recommandations, dans des chartes, dans des codes de conduite. Voilà, il y a tout un tas de textes aussi qui cherchent à cadrer, en fait, finalement, la manière dont on travaille, à la fois en termes éthiques, mais aussi en termes pratiques et matériels, hein, tout bêtement. qui participent, me semble-t-il, à ce processus de juridicisation. Et donc voilà, l'idée, c'était de regarder un peu plus cette dimension-là et de prendre au sérieux, finalement, la dimension juridique de ces processus. Mais encore une fois, c'est soumis à l'enquête. Enfin, il y a des contre-exemples, sans doute. Il faut regarder cas par cas, quoi.